Chapitre 19. Quand Jésus eut achevé ses instructions, il quitta la Galilée et se rendit dans la partie de la Judée qui se trouve de l'autre côté de la rivière du Jourdain. De grandes foules l'y suivirent et il guérit leurs malades. Quelques pharisiens s'approchèrent de lui pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent : Notre loi permet-elle à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison ? Jésus répondit : N'avez-vous pas lu ce que déclare l'Écriture ? Au commencement, le Créateur les fit homme et femme. Puis il dit : À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme, et les deux deviendront un seul être. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un seul être. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Les pharisiens lui demandèrent : Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé à l'homme de donner une lettre de divorce à sa femme pour la renvoyer ? Jésus répondit : Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes parce que vous avez le cœur dur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vous le déclare, si un homme renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle et se marie avec une autre, il commet un adultère. Ses disciples lui dirent : Si telle est la condition de l'homme par rapport à sa femme, il vaut mieux ne pas se marier. Jésus leur répliqua : Tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement, mais seulement ceux à qui Dieu a donné de le pouvoir. Il y a différentes raisons qui empêchent les hommes de se marier. Pour certains, c'est une impossibilité dès leur naissance. D'autres, comme les eunuques, en ont été rendus incapables par les hommes. D'autres, enfin, ne se marient pas à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut accepter cet enseignement l'accepte. Des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus dit alors : Laissez les enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Il posa les mains sur eux, puis partit de là. Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda : Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Jésus lui dit : Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, obéis au commandement. Auquel ? Demanda-t-il. Jésus répondit : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne dis pas de mensonge contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit : J'ai obéi à tous ces commandements, que dois-je faire encore ? Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans les cieux, puis viens et suis-moi. Mais quand le jeune homme entendit ces paroles, il s'en alla tout triste, parce qu'il était très riche. Jésus dit alors à ses disciples : Je vous le déclare, en vérité, il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et je vous déclare encore ceci : il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples entendirent ces mots, ils furent très étonnés et dirent : Mais alors qui peut être sauvé ? Jésus les regarda et leur dit : C'est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. Alors Pierre prit la parole. Écoute, lui dit-il, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous ? Jésus leur dit : Je vous le déclare. En vérité, quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône glorieux dans le monde nouveau, vous, les 12 qui m'avez suivi, vous serez également assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tous ceux qui auront quitté pour moi leur maison ou leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères, leurs enfants ou leurs champs, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers.